بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 18 Rajab 1443 de l'Hégire, correspondant au 19 février 2022. Nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre lecture du livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, qui est décédé en l'an 620 de l'Hégire, dont le titre est le blâme du waswas, le blâme des insufflations de shaitan. Nous avons vu dans les cours précédents, le premier, on a parlé de l'introduction de ce livre, et le deuxième, où nous avons vu ce que l'imam a dit par rapport au waswas dans l'intention de la purification et de la salat. Dans son deuxième chapitre que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, il a dit « Fi tardid kalimat min al-fatiha ou al-tashahhud ou al-takbir ou tardid ou takrir harf ou al-jam' bayn qira'atayn wa nahw hadha » Donc, dans ce deuxième chapitre de son livre, qui est composé de 6 chapitres, il va aborder la répétition de certains mots de l'Fatiha, ou de Tashahhud, ou de Takbir dans la Salat, ou la répétition d'une lettre, ou regrouper deux récitations et ainsi de suite. Donc ici, il va parler d'un waswas qui concerne la prononciation. Que ce soit en répétant un verset, un mot, une lettre, par waswas de shaitan, avec le même prétexte, toujours shaitan qui vient pour conseiller le serviteur dans sa salat en lui disant qu'il n'a pas bien prononcé et en lui rappelant les risques de cette mauvaise prononciation et que ça peut rendre sa salat caduque. Et même si le serviteur il se dit qu'il a bien prononcé, il lui dit de toute façon, c'est plus sûr de répéter encore une fois afin d'avoir la certitude que tu as bien prononcé et que tu n'as rien à perdre de toute façon. Et ça, c'est faux. Tous ces arguments sont faux. Car, yani, ces arguments qui sont en réalité des ambiguïtés. Car si le serviteur, il se laisse aller dans cette argumentation satanique, cette argumentation de Iblis, ça va le mener vers ce qui est plus grave. Au début, ça peut paraître simple. Ce n'est qu'un verset que je vais répéter. Mais quand le serviteur il ouvre la porte pour Shaitan et il désobéit au prophète alayhi salatu wassalam et il ne se conforme pas aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation, il suit Iblis, il devient une proie facile pour Iblis. Et il profite de cela pour le faire tomber dans ce qui est plus grave par la suite, en le menant graduellement de pire en pire. C'est pour ça, comme nous avons vu peut-être dans le premier cours, cette maladie de l'waswas par laquelle toute personne peut être touchée. est facile à soigner dès son début. Quand la personne, elle suit ce qui est rapporté dans les textes. Mais si elle ne suit pas ça par ignorance ou par attachement au bien ou par munitie dans l'adoration et pour parfaire encore plus son adoration, là, elle tombe dans le piège de Shaitan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver tous. Ensuite, il a dit, rahimahullah, فَهَذَا فِي الْقُبْحِ يَزِيدُ عَلَى الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ. Il a dit que ce phénomène décrit, c'est-à-dire la répétition des mots ou des lettres dans l'adoration dans lesquelles il y a des formules à prononcer ou des versets à réciter, est plus grave que al-waswas dans l'intention, que ce soit dans la purification et la salat qu'il a abordé dans le chapitre précédent. فَإِنَّ مِنْهُمَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ مِثْلُ تَكْرِيرِ بَعْضِ الْكَلِمَةِ كَقَوْلِهِ فِي التَّحِيَّاتِ التَّحِيِّ وَفِي السَّلَامِ السَّلَامِ. Donc ça, il a dit que c'est plus grave que ce qui a précédé, car ça peut rendre caduque la salat en répétant un mot qui n'est pas légiféré de répéter volontairement, comme le fait de dire dans Tashahud, on dit At-tahiyyatu lillah, lui il va dire At-tahiyyat At-tahiyyat, pour être sûr qu'il a prononcé shadda de ta. Ou dans salam, quand il fait salam dans salat, yani c'est une erreur répandue. Là, bien évidemment, Shaitan, il vient dans des erreurs répandues chez les gens. Beaucoup de personnes, quand ils font salam, ils disent salamu alaykum, salamu alaykum. Salam, on dit assalamu alaykum. Assalamu alaykum. C'est ça la prononciation correcte. On ne dit pas assalamu alaykum. On prononce la première hamza, qui est une hamza de l'wasl, mais quand on commence avec, ça devient une hamza de l'qata. Donc la prononciation correcte de salam, c'est de dire assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et ça suffit. Lakin lui, il va faire attention à prononcer bien le hamza au début, donc il va être amené à répéter plusieurs fois en disant assalamu alaykum. Il répète trois fois. Wa mithlu takrir al-harf fi al-kalimati bi hayth yukhrijuha 'an wad'iha ka qawlihi fi at-takbir akbar. وفي إياك إياك ك ك ك فهذا تكرير لكلمات غير ما في القراءة. Également le fait de répéter certaines lettres plusieurs fois. Vous savez que parmi les erreurs très répandues dans le Fatiha, c'est que les gens, ils ne prononcent pas Ash-Shadda de إياك إياك. Une shadda en langue arabe, c'est deux lettres. C'est deux lettres dont la prononciation qui sont simplifiées dans l'écriture en écrivant une seule lettre et en mettant une shadda. Mais en réalité, ce sont deux lettres. Donc quelqu'un qui dit « Iyaka » avec une fatha sur l'ia et non pas une shadda, il a pas prononcé une lettre dans le fatiha. Ce qu'il faut dire, Iyaka, Iyaka na'budu, wa Iyaka nasta'in. C'est aussi simple que ça. Mais à cette personne, Shaitan, il va venir en lui disant qu'il n'a pas prononcé l'ia de Iyaka. Et en le faisant répéter plusieurs fois jusqu'à dire, comme a dit Sheikh Rahimallah, Il va dire Iya ka ka ka ka ou Iya Iya Iya Iya ka. Le même phénomène dans Tekbir. Il va dire Ak Ak Akbar. En réalité, il a prononcé autre mot que ce qui est légiféré dans Tekbir. Il a prononcé autre lettre que ce qui est légiféré dans le autre mot que ce qui est légiféré dans le Fatiha. Car ce qui est légiféré dans Takbir, c'est Akbar. Allahu Akbar. Lui, il a dit Ak, Ak, Ak, Akbar. C'est un autre mot. Donc, il a changé ce qui est légiféré dans Salat par quelque chose qui n'est pas légiféré. Et ça, ça peut être la cause de l'invalidité de sa Salat. Regardez sur quoi joue Iblis. Sur des choses réelles et des erreurs répandues, mais en faisant tomber le serviteur dans l'exagération, jusqu'à corrompre sa salat. Et comme on a vu, l'imam Ibn Qudama a cité le cas d'une personne qui est venue le voir, elle lui a dit, je n'arrive pas à faire salam dans salat, c'est-à-dire il n'arrive pas à le faire correctement. Je n'arrive pas à dire assalamu alaykum dans la salat correctement. Il lui a dit, dis-le comme tu viens de le dire maintenant. C'est en réalité la personne, elle dit correctement. Mais c'est Shaitan qui lui fait croire cela pour corrompre sa salat et son adoration d'une manière générale. Il a dit, rahimallah, fadhahiru butlanu salati bihi. Donc, en réalité, cette personne, elle a utilisé autre formule que ce qui est légiféré dans salat, sans qu'il y ait de nécessité. Et ça, dans ce qui paraît, il dit comme ça, dans ce qui paraît, ça invalide la salat. Ça invalide la salat. Car il a utilisé autre formule que ce qui est légiféré, sans qu'il y ait de nécessité. Contrairement à quand il y a une nécessité. Quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe, il ne sait pas réciter le Fatiha, on lui dit, dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jusqu'à ce que tu apprennes le Fatiha. Et on ne lui dit pas, dis le Fatiha dans une autre langue. Car les adorations, c'est en langue arabe. Salat, les formules qui sont légiférées, il faut les prononcer telles qu'elles étaient rapportées. Et ce n'est pas légiféré de changer ces formules. Par contre, dans le dua, c'est aussi une adoration, mais on peut faire dua dans la langue qu'on maîtrise, tout en sachant que le mieux est de le faire dans la langue arabe. Et le mieux est de le faire avec les invocations qu'utilisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le summum. C'est de mémoriser les invocations qu'utilisait le Nabi alayhi sallam. Lakin dans salat, dans takbir, dans la récitation de l'Fatiha, dans at-tashahhud, dans salam, tout ça, les formules qui sont légiférées, tu n'as pas le droit de les changer. Du moment que tu es capable de les prononcer. S'il y a une excuse valable, ça, c'est une autre affaire. Ensuite, il a dit فقد أفضت طاعة الشيطان به إلى فساد صلاته واللكنة والعي. الله أكبر. Il a dit l'obéissance au shaitan l'a conduit à l'invalidité de sa salat et l'a conduit à al-lukna. اللكنة يعني on dit il a une lukna يعني il prononce mal et ça le conduit à la lukna والعي. العي c'est يعني le bégaiement. Le bégaiement. Il bégaye. Donc ça, c'est les conséquences de l'obéissance au shaitan. À la base, il est capable de prononcer correctement, mais il devient comme quelqu'un qui bégaye. Ou comme quelqu'un qui ne sait pas parler. À cause de cette obéissance au shaitan. Comme on a vu, il va dire « ak, ak, ak, ak ». Et ça, c'est le bégaiement. « وَرُبَّمَا كَانَ إِمَامًا فَأَفْسَدَ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ وَصَارَ إِثْمُهُمْ فِي عُنُقِهِ وَصَارَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ الطَّاعَاتِ أَكْثَرُ تَبْعِيدًا لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْكَبَائِرِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. Ça, c'est parmi les conséquences de cette obéissance au shaitan et de l'éloignement des enseignements prophétiques par rapport à ce point en particulier. Il a dit peut-être que c'est un imam et il sera la cause de l'invalidité de ceux qui prient derrière lui, al-ma'moumin, et il prendra ainsi tous leurs péchés. Et de cette manière, la salat, qui est parmi les adorations qui nous rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, devient quelque chose qui l'éloigne d'Allah plus que les grands péchés. Wallah al-musta'an. Regardez où est-ce que ça peut mener les ruses de shaitan. Le but, c'est de ne pas, on ne rentre pas dans les détails de le fiqh et des jugements de la jurisprudence que l'imam Ibn Qudama donne ici. Quand il est imam, s'il fait des erreurs comme ça, est-ce que la salat de ceux qui sont derrière lui s'invalide ou pas? On ne rentre pas dans ces détails-là, car le but, c'est de tirer la leçon de la gravité de l'obéissance au shaitan. Mais en tout cas, l'imam, dans certains cas, na'am, il peut être la cause de l'invalidité de la salat des ma'moumin. Et les ma'moumin, ils peuvent être pardonnés, parce qu'ils ne savent pas qu'il a commis quelque chose qui invalide la salat. Donc leur salat, pour eux, est valide, mais c'est lui qui va prendre tous les péchés de ceux qui ont prié derrière lui. Et de cette manière, la salat, qui est censée être une des plus grandes adorations de l'islam qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même c'est la plus grande adoration qui nous rapproche d'Allah après Tawhid, ça devient quelque chose qui l'éloigne d'Allah plus que les grands péchés. Wallah al-musta'an. Wa ma kana min dhalika la yubtilu s-salata fa huwa makruh. Par contre, les répétitions dans lesquelles il peut suivre Shaitan et qui n'arrive pas au degré d'invalider la salat, elles sont détestées quand même, même si ça n'invalide pas la salat. وإخراج للقراءة عن كونها على الوجه المشروع وعدول عن السنة ورغبة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. Par contre, ce qui n'arrive pas au degré d'invalider la salat, c'est quand même quelque chose de détestable et de blâmable. Et ça l'écarte, yani ça fait sortir sa récitation de la récitation légiférée, car il n'a pas récité de la façon légiférée. Et ça l'écarte de la sunna. Et c'est un signe du délaissement et de l'abandon de la voix du prophète et du messager alayhi salatu wassalam ainsi que de ses compagnons. Donc ça englobe tous ses méfaits, comme bien même ça n'invalide pas sa salat. Donc ça reste quand même grave. وربما رفع صوته بذلك فآذى مستمعيه وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه وجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب حدث نسأل الله السلام والعافية. Et peut-être qu'il va hausser sa voix pour s'assurer de sa bonne prononciation jusqu'à déranger ceux qui sont à côté de lui. Et peut-être qu'il sera la cause que les gens le blâment et disent du mal de lui. Et ainsi ils tomberont dans un péché. Dans le péché de l'riba. وَجَمَعَ عَلَى نَفْسِهِ طَاعَةَ إِبْلِيسِ وَمُخَالَفَةَ السُّنَّةِ Et ainsi, il aura réuni deux méfaits. L'obéissance à Iblis et l'éloignement de la sunna et de tomber dans une chose inventée, dans une forme d'hérésie. Et en sachant que les pires des choses sont les hérésies, les innovations. وَأَذَا نَفْسَهُ وَأَذَا الْمُصَلِّينَ وَهَتَكَ عِرْضَهُ وَتَعْذِيبَ نَفْسِهِ فَوَيْحَهُ مَا يَسْوَى الشَّيْطَانُ أَنْ يُطِيعَهُ فِي هَذَا كُلِّهِ Et ainsi, il va se faire du mal à lui-même. Il va faire du mal à autrui, notamment aux prieurs qui sont avec lui dans le jama'a. Il va hausser sa voix, il va répéter jusqu'à les déranger, les déconcentrer. Et il va être la cause qu'ils disent du mal de lui. Et ça, c'est pas autorisé. Mais c'est lui qui a été la cause de leur mal. De ce mal dans lequel ils sont tombés. Et de cette manière, il va torturer sa personne. Alors, malheur à lui. Quelle valeur a ce shaitan pour qu'il lui obéisse dans tout cela? Ce shaitan, comme on a vu, qui est parmi ses pires ennemis, si ce n'est pas son pire ennemi. La solution, l'apprentissage, ce qu'on doit savoir, donc fin de la parole de l'imam Ibn Qudama, et fin de ce chapitre. Ce qu'on doit retenir, c'est que salat, c'est pas dans ta salat que tu vas t'entraîner à bien prononcer. Tu vas t'entraîner en dehors de la salat. En dehors de la salat. Et quand tu arrives dans la salat, tu prononces une seule fois et tu passes à autre chose. Et si tu veux parfaire ta prononciation, c'est en dehors de la salat. C'est pas dans la salat que tu vas venir t'exercer. Allahu Akbar. Et tu dois prononcer correctement devant quelqu'un qui a la maîtrise de cela. Il te confirme que ta prononciation est correcte. Et si tu as une erreur, il te rectifie, il te corrige. Et du moment que tu es confirmé de ta bonne prononciation, tu n'accordes plus aucun intérêt à tous les waswas de shaitan par rapport à ce point. C'est aussi simple que ça. Yani, le piège, c'est qu'on va venir s'exercer dans la salat. Et ça, c'est une erreur. Salat, elle n'a pas été légiférée pour que tu viennes t'entraîner à bien prononcer. Tu t'entraînes en dehors de la salat. Quand tu viens dans la salat, tu vas prononcer en une seule fois, d'une manière correcte, et ça s'arrête là. Al-Takbir, on dit Allahu Akbar. Assalam, on dit assalamu alaykum, et ainsi de suite. Taïb, nous allons passer au troisième chapitre, dans lequel il va parler d'un autre point dans lequel Iblis fait tomber, un autre piège dans lequel Iblis fait tomber beaucoup de personnes, qui est l'exagération dans l'usage de l'eau, que ce soit dans les ablutions, les petites ou les grandes ablutions, l'eau d'eau et le rusl. Et ici, il a rapporté certains athar. Il a rapporté certains athar et hadith par rapport à ce point-là, par rapport à l'excès dans l'usage de l'eau dans la purification d'une manière générale, que ce soit al-wudu ou le ghusl. Rawa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra bi Sa'd radiyallahu anhu wa huwa yatawadda fa qala la tusrif fa qala ya rasul Allah afi al-ma'i israf qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin rawahu ibn majah fi sunanihi. Rawa ibn Majah fi kitab al-Tahara. Donc il a rapporté ce hadith comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam est passé devant Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu pendant qu'il faisait ses ablutions, c'est-à-dire Sa'd, il lui a dit ne gaspille pas. Sa'd radiyallahu anhu s'est étonné, il a dit au messager d'Allah, est-ce qu'il y a du gaspillage dans l'utilisation de l'eau? Il a dit oui, comme bien même t'es devant un fleuve. Comme bien même t'es devant un fleuve, ou là un lac. Ce hadith a été jugé faible par l'imam al-Albani dans Irwa al-Ghalil. Et ensuite, il a changé son avis par rapport à ce hadith, par rapport aux arguments. Les savants, ils changent leur position, mais par rapport au dalil. Ils ne changent pas leur position par rapport au hawa, par rapport à la passion. C'est pas un mal que tu dises aujourd'hui d'une chose, un jugement, et le lendemain t'en dis un autre. C'est pas un mal pour un savant, pour un homme de science. Le mal, c'est de changer de position sans preuve, sans argument. Et ça existe beaucoup chez les imams de salaf. Ils peuvent avoir un avis, après il apprend un hadith qu'il ne connaissait pas, ou il a une autre compréhension qu'il n'avait pas du hadith, et ainsi de suite. Pour plusieurs raisons, le savant peut changer d'avis par rapport à un jugement religieux. Dans ce hadith, il y a Abdullah ibn Lahi'a, parmi les chouyours de l'imam Ahmad, qui est jugé par beaucoup de savants comme étant faible. Mais l'imam al-Albani, je ne suis pas revenu à la silsila sahiha pour savoir la raison pour laquelle il a changé d'avis sur ce hadith. En tout cas, le hadith est considéré comme hasan, comme bon. Hasan, c'est parmi les catégories de ce qui est accepté parmi les hadiths. Min aqsam al-maqboul. Le maqboul, ce qui est accepté parmi les ahadiths, est de quatre catégories. As-sahih li dhatihi, ce qui est authentique pour lui-même. Ce qui est authentique pour d'autres hadiths, qui le rendent authentique. Mais à la base, lui, il est juste hasan. Un degré inférieur, al-hasanu li dhatihi. Dans sa chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui n'arrive pas au degré dans la maîtrise, de la mémorisation et dans tawthiq, il n'arrive pas au degré des hommes de sahih. Donc on dit qu'il est hasan. Et le hasan li dhatihi, le degré le plus bas de ce qui est el hasan li ghayrihi, le degré le plus bas de ce qui est accepté parmi les hadith, c'est un hadith à la base qui est faible, mais qui n'est pas très faible. Comme le hadith menti, ou le hadith dans lequel il y a un homme qui se trompe beaucoup, ça devient jamais hasan. Mais il peut avoir, par exemple, un tout petit souci dans la mémorisation. Il mémorise, mais dans certains, il a été prouvé qu'il a fait quelques erreurs. Donc, ça, c'est un hadith qui est considéré faible, mais qui devient hasan si jamais on trouve un autre rapporteur comme lui, qui rapporte la même chose. Ça renforce le hadith, il devient hasan li ghayrihi. Donc ce hadith est accepté pour Cheikh al-Albani. Pour d'autres, il est faible. Le gaspillage de l'eau n'est pas légiféré. Même dans l'adoration. Même dans l'adoration. Et même si tu es devant un endroit dans lequel il y a une très très grande quantité d'eau. Car le mu'min, il apprend avoir des bonnes habitudes partout qu'il soit. Et ça, je le disais à certains frères, dans d'autres domaines, pour ceux qui vivent en France, avec la sécurité sociale, les cas de personnes qui ne paient rien pour avoir les médicaments, ils peuvent consommer des médicaments alors qu'ils peuvent s'en passer. Et à force de prendre cette habitude de consommer des médicaments, quand il va dans un pays d'islam, où c'est lui qui va payer de sa poche les médicaments, il tombe dans une forme de gêne, contrairement à quelqu'un qui s'est habitué à ne pas consommer les médicaments que dans les cas de nécessité. Un petit mal de tête, il a d'autres remèdes prophétiques ou d'autres remèdes naturels et il n'a pas recours forcément aux médicaments, ces produits chimiques qui ont forcément des effets négatifs sur la santé de la personne et des effets secondaires. Et en plus, ça donne cette mauvaise habitude. Le mu'min, il prend des bonnes habitudes dans toutes ces situations. Un autre exemple, vous savez tous que al-riba, par rapport au mécréant, il n'y a pas de riba. Il n'y a pas de médisance par rapport à un mécréant. Que tu dises d'un mécréant une chose en lui réellement, il n'est pas autorisé de mentir sur le musulman ni sur le mécréant. Là qu'il y a un mécréant qui a un défaut, qu'il cache, si tu le répètes, c'est pas une riba. Le riba, c'est que pour les musulmans. Un innovateur a un défaut qu'il cache. Pourquoi je dis un défaut qu'il cache? Car le défaut qu'il pratique en public, il n'y a pas de riba. Quelqu'un qui fume devant les gens, il n'y a pas de riba à dire qu'il fume. Donc ça, c'est le jugement religieux. Lakin al-mu'min, il prend des bonnes habitudes à ne pas citer les défauts des gens, même si c'est autorisé, sauf s'il y a un intérêt religieux. Mettre en garde contre l'innovation de l'innovateur. Je veux mettre en garde contre l'innovation de l'innovateur. On ne doit citer que son innovation. Mais des fois, ça ne suffit pas pour des awam qui n'ont pas de compréhension. On peut être amené à citer certains défauts qu'il a. Donc là, il y a un intérêt religieux à citer ses défauts. Mais de prendre ça comme une habitude parce que c'est autorisé, tu commences à parler des mécréants et citer leurs défauts, tu vas finir par faire de la médisance vis-à-vis des musulmans. C'est pour ça, il faut qu'on prenne des bonnes habitudes, même dans les choses qui sont autorisées, même dans les choses qui sont permises. Le deuxième hadith qu'il a rapporté, rahimahullah, il a dit وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Remarquez que l'imam al-Qudama a cité les deux hadiths avec la formule رُوِيَ. Il a été rapporté. Ça, c'est dans la science du hadith, c'est pour indiquer une faiblesse dans le hadith. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانِ فاتقوا وسواس الشيطان فاتقوا وسواس الماء فاتقوا وسواس الماء رواه الترمذي. Ce deuxième athar, dans lequel il a été rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, il y a un shaitan pour les ablutions, qui est spécialisé dans les ablutions. Son travail est dans les ablutions, qui s'appelle al-walahan, afwan, yani la prononciation, je ne sais pas comment j'ai dit dans la première fois, la prononciation juste, al-walahan. Il s'appelle al-walahan. Fattaqu waswas al-ma. Ce hadith a été rapporté par at-Tirmidhi. Et ce hadith aussi est faible. Est faible, yani ça n'a pas été rapporté d'une manière authentique, le nom de ce shaitan des ablutions. celui dont ça a été rapporté authentiquement, c'est le nom du shaitan de Salat, qui s'appelle Al-Khinzab. Par contre, le Walahan, tous les hadiths sont faibles. Tous les hadiths sont faibles. Wa an Ummi Sa'd radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-wudu' al-mudd والغسل صاع وسيأتي قوم يستقلون ذلك فأولئك خلاف أهل سنتي والآخذ بسنتي في حضيرة القدس متنزه أهل الجنة والآخذ بسنتي في حضيرة القدس متنزه أهل الجنة. Donc il a cité aussi ce hadith selon Sa'd Binti Zayd ibn Thabit, Zayd ibn Thabit, le grand compagnon qui a écrit le Coran avec l'ordre de Abu Bakr Siddiq, qui a fait la compilation du Coran, radiyallahu anhu. Un jeune compagnon qui mémorisait le Coran entièrement pendant le vivant du prophète, alayhi salatu wasalam, c'était parmi les compagnons qui mémorisaient la totalité du Coran. Il était parmi celui qui écrivait le Coran, donc Sa'd, c'est sa fille. Sa'd, c'est sa fille, radiyallahu anha. C'est une sahabiya aussi. Son père est un sahabi, et elle aussi, c'est une sahabiya. Vous savez ce que c'est un sahabi? Un sahabi, qui peut écrire ce que c'est un sahabi? Donc je veux vous laisser quelques minutes, on va poursuivre et revenir dessus. Pour me dire ce que c'est un sahabi. En une seule phrase. Dans ce hadith, il y a un rapporteur qui s'appelle Anbasa ibn Abdirrahman. Il est matrouk, il est délaissé. Donc le hadith est très faible. Le hadith est très faible. Par contre, il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés du prophète alayhi salatu wassalam authentiquement par rapport à la quantité qu'il utilisait dans l'eau et dans al-ghusl. Dans le dos et dans le ressort. On va traduire ce hadith avant de passer à ce qui est authentique et de le citer. Donc, il est dit que al-wudu, c'est avec un mud. Al-wudu est avec un mud. Al-mud, c'est une mesure. C'est une mesure. Comme ça, ça aussi, c'est une mesure. Al-mud, c'est la contenance de deux mains jointes. Tu joins tes deux mains, les mains d'un homme de taille moyenne, pas de grande taille ni de petite taille, un homme de taille moyenne, comme le prophète alayhi salatu wassalam, et on joint les deux mains, et la quantité qui est dans les deux mains jointes, ça s'appelle un mud. Un sa'a, c'est quatre fois un mud. C'est quatre fois un mud. Donc le wudu, c'est avec un seul mud. Et le ghusl, c'est avec quatre mud. Et il est dit ensuite qu'il viendra des gens qui vont trouver ça peu. Ceux-là ne sont pas des gens qui se conforment à ma sunna. Et celui qui se conforme à ma sunna sera dans le lieu de promenade des gens du paradis. Donc, il lui est promis le paradis. Il lui est promis le paradis. Ce qui est authentique, le Nabi alayhi salatu wassalam, kana yatawadda'u bil muddi wa yartasilu bis sa'i ila khamsati amdad, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il faisait ses ablutions avec un mud. Et il faisait le ghusl de la totalité de son corps avec quatre mouds jusqu'à cinq mouds. Un sa' ou cinq mouds. Ça, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, a enseigné à un bédouin, il lui a enseigné de faire les ablutions. Il lui a dit, fais les ablutions trois fois, trois fois. Thalatham thalatha, thumma qal, hakadha al-wudu. فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمْ. Il lui a enseigné de faire les ablutions il lui a dit, fais ainsi trois fois. Yani, les membres qui se lavent plus d'une fois dans les ablutions, qui sont tous les membres, excepté les oreilles et la tête, ça c'est une seule fois, on fait le masque une fois, mais tout ce qui se lave trois fois, il lui a dit de faire trois fois. C'est-à-dire, ça c'est le maximum. Et si tu fais plus, yani celui qui fait plus, il a transgressé. Il est tombé dans une transgression et dans un outrage. Et dans une non-conformité à la sunna, rapportée par l'imam al-Nasa'i. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le gaspillage d'une manière générale dans son livre. Il a dit, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Il a dit, ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspillateurs. Atta ibn Rabah, le grand savant de Mecca, le grand savant de Tabi'in de Mecca, qui était celui auquel on revenait dans le pèlerinage en particulier, c'est un très très grand savant, il a dit, il leur a été interdit le gaspillage dans toute chose. Nuhu anil israf fi kulli shay. Ça a été rapporté par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir par rapport à ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Les gaspillateurs sont les frères de Shayatin, et Shaytan est pour son Seigneur plein d'ingratitude. Donc le gaspillage de l'eau rentre dans le gaspillage interdit d'une manière générale. Ensuite, il va rapporter, rahimahullah, des athar de sahaba et de salaf par rapport à l'économie dans la purification. Il a rapporté selon Salim ibn Abi al-Ja'd, selon Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée, lui et son père, il a dit, يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدْ وَمِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعِ. Jabir radiyallahu anhu, parmi les grands rapporteurs du hadith, un jour il parlait à ses compagnons, ses élèves, il leur a dit, il suffit pour les ablutions un mud. Un mud, c'est, comme on a vu, la contenance de deux mains jointes. Ça suffit pour les ablutions. Et ça suffit pour le ghusl de l'janaba. Le ghusl de l'janaba. Il précise le ghusl de l'janaba. C'est pas un ghusl pour se rafraîchir. C'est un ghusl religieux qui est une adoration qui doit être faite à la perfection. Il suffit un sa'a. Un homme qui était présent, il a dit ma yakfina sa'a. Il a dit sa'a ne nous suffit pas pour le ghusl. Jabir radiyallahu anhu s'est mis en colère. فغضب جابر رضي الله عنهما حتى تربد وجهه ثم قال قد كفى من هو خير منك واكثر شعرا. الله اكبر. رواه الاثرم. Donc Jabir رضي الله عنه, quand cet homme a dit الصاع ne nous suffit pas, Jabir رضي الله عنه s'est mis en colère et jusqu'à ce que son visage a froncé, il a dit, ça a suffi, c'est-à-dire le sa', ça a suffi celui qui est meilleur que toi, et qui a plus de cheveux et de poils que toi, rapporté par l'Athram. L'Athram, c'est un élève de l'imam Ahmad, il a des livres dans lesquels il a rapporté les paroles de l'imam Ahmad, ce qu'on appelle les livres de Riwaya, c'est parmi les élèves de l'imam Ahmad. Donc ça, c'est rapporté d'une manière authentique. Rapporté d'une manière authentique. Avec une chaîne de transmission authentique. Et ça a été rapporté de plusieurs compagnons, la même histoire. Ça a été rapporté de Abu Sa'id ibn al-Khudri, radiyallahu anhu, afwan. De Abu Sa'id ibn al-Khudri, radiyallahu anhu. Un homme lui a dit, quand il a rapporté ce hadith par rapport aux ablutions et le rusl, l'homme a dit, inna sha'ri kathir. Il a dit, j'ai beaucoup de cheveux. Et il lui a donné la même réponse. Ça a suffi, celui qui a plus de cheveux et de poils que toi, celui qui est meilleur que toi, et qui est meilleur que toi. Ça a été rapporté également de Abu Huraira. Un homme lui a dit la même remarque. Il a dit, mes cheveux sont longs. Il lui a dit, ça a suffi, celui qui est meilleur que toi, et qui a plus de cheveux et de poils que toi. وعن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابة فقال سعيد إن لي تورا يسع مدين من ماء أو نحو ذلك فأغتسل به فيكفيني ويفضل منه فضل. Donc également ça a été rapporté de Saïd ibn al-Musayyib. Là on est passé à la génération de Tabi'in. Saïd ibn al-Musayyib, c'est parmi les plus grands Tabi'in, si c'est pas le plus grand d'une manière absolue. C'est le mari de la fille de Abu Huraira radiyallahu anhu. C'est un Tabi'i, yani au point où certains savants ont dit qu'il a atteint un degré extrêmement élevé dans la science. Et peut-être qu'il avait plus de science que certains petits compagnons. Mais ça ne veut pas dire qu'il devient meilleur que eux. Personne ne peut arriver au degré des compagnons. Radiallahu anhum. Celui qui a rencontré le prophète, alayhi salam, et qui a prié derrière lui, et que le Nabi, alayhi salam, a dit, « Sami Allahu liman hamida », lui, il dit « Amin ». Et peut-être qu'il est sorti avec lui dans ses batailles, et à qui Allah a accordé ce mérite inégalable, qui est le mérite de la compagnie du prophète, personne ne peut l'égaler, ni arriver à son degré d'une manière globale. Mais il peut le dépasser dans un point, comme ça a été cité par rapport à Saïd dans le fiqh. C'était un très très grand faqih. Donc Saïd, radiyallahu anhu, également, un homme l'a interrogé, lui a dit, quelle est la quantité qui devrait me suffire dans le ghusl de l'janaba? Saïd, rahimahullah, lui a dit, j'ai un tawr. Un tawr, c'est un petit récipient dans lequel on boit. Yani, c'est comme un verre. C'est un petit récipient dans lequel on boit. Il lui a dit, j'ai un tawr dont la contenance est deux mouds d'eau. Et il lui a dit, je l'utilise pour faire le ghusl et ça me suffit et il reste encore. Allahu Akbar. Il reste encore. Yani, il utilise que deux mouds pour faire le ghusl de l'janaba. Il en reste encore dans le récipient quand il termine. Et ensuite, il a dit, cet homme a dit par Allah, إني لا أستنثر وأتمضمض بمدين. L'homme a dit, moi j'utilise ces deux mouds avec lesquels toi tu fais ghusl janaba entièrement que pour rincer le nez et la bouche. Et ça, c'est comme beaucoup d'entre nous. Il nous faut un seau pour faire le ghusl. Ou peut-être même un seau pour faire les ablutions. Wallah al-musta'an. Ensuite, Saïd lui a donné la réponse. Écoutez les réponses de Saïd, rahimahullah. Saïd, rahimahullah, c'est lui qui a dit à cet homme de ne pas prier après l'adhan de l'fajr que sunnat al-fajr. L'homme lui a dit, est-ce que Allah va me châtier pour salat? Parce que je prie. Il lui a dit, non, il ne va pas te châtier sur salat, mais il va te châtier sur يعني البدعه et يعني de ne pas suivre la sunna. Il va te châtier pour cela, pas pour salat. Comme quand tu dis à quelqu'un de réciter le Coran en groupe, c'est une bid'a, les ignorants disent que ceux qui suivent la sunna disent que la récitation du Coran est une bid'a. Non, c'est pas une bid'a. C'est parmi les meilleures adorations qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de réciter le Coran. Mais la façon dont tu le récites en groupe, ça, c'est pas légiféré. Et ça ne fait pas partie de la guidée de Salaf. Saïd, rahimallah, il lui a dit, « Fama ta'muruni in kana shaytanu yal'abu bik » Il lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse si shaytan s'amuse avec toi ?» Ensuite, l'homme a essayé de trouver une issue pour sa personne. Il a compris que maintenant, ce qu'il fait, et c'est un homme qui a l'aqal, il a compris que ce qu'il fait, c'est pas conforme à la sunna. Et il n'est pas mieux que Saïd, et encore moins que le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il a essayé de trouver des excuses. Il lui a dit, comme tu vois, je suis un homme corpulent. Kama tara azim, fa inni rajulun kama tara azim, yani corpulent. Saïd, rahimallah, lui a dit, thalathatu amdad. Alors, si t'es corpulent, utilise trois mouds. L'homme a dit, trois mouds, c'est peu pour moi. Saïd, rahimallah, lui a dit, alors ça. Alors, utilise un ça, quatre mouds. Et ensuite, Saïd, rahimallah, a dit, inna li rakwatan. أو قدحا ما يسع إلا نصف المد ماء أو نحوه ثم أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا. Ensuite, Saïd, rahimahullah, il a terminé avec lui sur le ghusl. Il lui a dit, utilise maximum 4 mud, un sa'a. Dans le hadith authentique qu'on a vu, on peut aller jusqu'à 5 mud. Un ça et un mood supplémentaire. Donc jusque-là, il n'y a pas de mal. Jusque-là, il n'y a pas de mal. Tu restes dans ce que Nabi A.S. utilisait pour son rusl. Et ensuite, Saïd lui a enseigné une autre chose, une autre faïda, sur laquelle il n'a pas interrogé. C'est les ablutions. Il lui a dit, j'ai une raqwa ou un qadah. Raqwa, c'est aussi un petit récipient en cuir dans lequel on boit. Et le qadah, pareil. C'est un petit récipient dans lequel on boit. Qui sont encore plus petits que taur qu'on a vu. Taur, sa contenance, c'est 2 mud. Donc la différence entre tous ces récipients, c'est la contenance. Par contre, raqwa et le qadah, sa contenance, c'est 1/2 mud. C'est vraiment un tout petit. 1/2 mud. Et il a dit, je vais faire mes besoins, il va uriner, rahimahullah, et ensuite il se nettoie avec l'eau de cette raqwa ou de ce qadah, ce demi-moud, il va se purifier après son urine, et il va utiliser le reste pour les ablutions, il va en rester encore. Allah al-Mustaan. Et ça démontre une grande conformité à la sunna. Bien évidemment, Saïd, il fait ses ablutions à la perfection. Et nous, pour notre faiblesse, à cause de notre faiblesse, il nous a été légiféré d'utiliser jusqu'à un mud. Un mud, c'est largement suffisant pour faire tes ablutions, même en répétant chaque membre 3 fois. Et 3 fois, quand les savants ils disent 3 fois, c'est une sunna. La plupart des gens, quand ils lavent 3 fois, par exemple, leurs mains, jusqu'au coude, en réalité, ils n'en lavaient qu'une seule fois. Il y en a 3 fois, c'est pas prendre 3 fois l'eau. 3 fois, c'est laver le membre entièrement 3 fois. Et peut-être que lui, en cumulant les 3 fois dans lesquelles il a pris l'eau, il va laver une seule fois. C'est pour ça, laver 3 fois, alhamdoulilah, ça te permet au minimum de faire l'obligation. Ça te permet au minimum de faire l'obligation. Donc Saïd, rahimallah, il a dit qu'avec 1/2 mud, il arrive à se purifier après ses urines, après son urine, et à faire les ablutions, il peut en rester encore dans le récipient. Il peut en rester encore. Qala Abdurrahman, le rapporteur de ce hadith, Abdurrahman Nu'ata, celui qui rapporte ça de Saïd, il a dit, j'ai cité ces paroles de Saïd, que j'ai entendues de Saïd, je les ai citées à Suleyman ibn Yassar, un autre grand tabi'i, qui est décédé en l'an 107 de l'Hégire, parmi les grands fuqaha de l'Madina. Il lui a cité cela. Qu'est-ce qu'il a dit, Suleyman ibn Yassar, rahimahullah? Il a dit, il me suffit comme ce qu'il a cité. Ensuite, Abdurrahman a rapporté ce récit à Abi Ubaida ibn Ammar, Abu Ubaida al-Ansi. Et Abu Ubaida, pareil, il a dit, c'est comme ça que ça nous a été rapporté des compagnons. C'est tous des tabi'in. Il a dit, c'est ce qui nous a été rapporté des compagnons. C'est comme ça qu'ils faisaient leurs ablutions et comme ça qu'ils faisaient leur rusl. Yani, ils ne gaspillaient pas l'eau dans la purification. C'est ça ce qu'il faut retenir. وروي عن إبراهيم النخعي عن أخو التابعي إبراهيم النخعي c'est parmi les grands élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Il est décédé en l'an 96 de l'Hégire. Il a dit إني لأتوضأ من كوز الحب مرتين. كوز الحب, c'est un récipient connu avec ce nom. C'est l'appellation d'un récipient. Il a dit, je fais les ablutions avec ce kouz deux fois. Yani, le kouz, c'est à peu près un peu moins d'un moud. Il arrive à faire les ablutions deux fois. Allahu Akbar. Tout ça montre l'attachement à la sunna et l'éloignement du suivi de shaitan, notamment dans le gaspillage de l'eau, dans la purification. Al-Kouz, vous savez qu'on a trois choses qui se qui sont proches dans le sens, qui sont Al-Kouz, Wal-Koub, Wal-Kas. En français, on va traduire les trois par le verre. Al-Koub, Wal-Kouz, Wal-Kas. Mais la différence entre les trois, Al-Koub ou Al-Kas, c'est la même chose. La seule différence, c'est que le Koub quand il est vide et le Kas quand il est rempli. Et le Kouz, c'est aussi un verre vide, mais avec une poignée avec laquelle on le prend. Donc quand il a une poignée, on l'appelle Kouz. Quand il n'a pas de poignée, on l'appelle Koub. Quand il est rempli, on l'appelle Kas. Ça, c'est une faïda entre parenthèses. Wa anil Qasim ibn Muhammad annahu utiya bi qadri nisf al mud aw ziyada annahu utiya bi qadri nisf al mud aw ziyadati qalil fatawadda. Rapporté également selon al Qasim ibn Muhammad. Muhammad, c'est le fils de Abu Bakr al-Siddiq. Donc c'est le petit-fils de Abu Bakr al-Siddiq. C'est parmi les sept grands fuqaha de l'Madina, qui est décédé en l'an 107 de l'Hégire. On lui a ramené un récipient dans lequel il y avait une quantité égale à un demi-moud, ou un peu, un peu plus. Un demi-moud ou un peu plus, et il a fait ses ablutions avec. وعن محمد بن عجلان أنه قال الفقه في دين الله تعالى إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. Selon Muhammad ibn Ajlan, rahimahullah, un grand savant de Medina, un grand imam qui a été décrit pour être digne de confiance par l'imam Ahmad ibn Ma'in, Muhammad ibn Ajlan, il dit Al-fiqhu fi dinillah. Donc la bonne compréhension de la religion d'Allah est en deux choses. إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. C'est de parfaire les ablutions tout en économisant l'eau. De parfaire les ablutions sans gaspillage d'eau. Ça, c'est un signe que la personne a une bonne compréhension de sa religion et une conformité à la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام et un bon suivi de la guidée prophétique et la guidée sur laquelle étaient également les compagnons radiallahu anhum et tous ceux qui les ont suivis à la perfection. قال الإمام أبو عبد الله أحمد كان يقال من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء. L'imam Ahmad rahimahullah, qui est Abu Abdillah, le grand imam, l'imam de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, qui a été éprouvé dans le fitna de Khalq al-Qur'an. Cette fitna dont la cause est le Mu'tazila, qui ont appelé les gens à croire que le Qur'an n'est pas la parole d'Allah réelle, avec laquelle il a parlé réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, et que le Qur'an c'est une créature, parmi les créatures d'Allah. Et qui a résisté, qui a tenu par la grâce d'Allah et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à faire triompher la vérité. C'est pour ça, on dit de lui qu'il est l'imam de Ahl Sunnah wal Jama'a. Comme Abu Bakr, le premier homme véridique de cette communauté, a tenu et a fait face à la fitna de l'murtaddin, de ceux qui ont apostasie de l'islam par rapport au refus de l'acquittement de la zakat, également l'imam Ahmad, c'est le deuxième homme véridique de cette communauté de son époque. L'imam Ahmad, il dit, rahimahullah, l'imam Ahmad, il est décédé en l'an 241 de l'Hégire. Il a dit, min qillati fiqhi ar-rajuli wulu'uhu bilma, un signe que l'homme n'a pas une bonne compréhension de la religion, c'est d'utiliser beaucoup d'eau dans sa purification. C'est d'avoir un engouement pour l'eau dans la purification. وقال الميموني كنت أتوضأ بماء كثير فقال لي أبو عبد الله يا أبا الحسن أترضى أن تكون كذا فتركه. Donc le Maïmouni, rahimahullah, parmi les élèves de l'imam Ahmad, il a dit, j'ai utilisé beaucoup d'eau dans mes ablutions. Un jour, l'imam Ahmad Abu Abdillah m'a dit, Ya Abu al-Hassan, regardez le style qu'il a utilisé avec son élève. Il n'a pas dit, t'es un suiveur de shaitan, t'es un talib ilm, mais encore, t'es dans ça. Et les élèves de l'imam Ahmad, c'est des imams. C'est pas talib ilm comme les élèves aujourd'hui des chouyours. C'était des imams. Comme le Maïmouni. Il lui a dit, Ya Abu al-Hassan, ô Abu al-Hassan, est-ce que t'aimerais être ainsi et ainsi? Il n'a pas cité ce qu'il lui a dit. Et ensuite, il a arrêté. Il a arrêté tout de suite. وقال عبد الله ابن أحمد Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, qui est un grand imam de la Sunna aussi, c'est lui qui a rapporté de son père le Musnad. Il a dit, j'ai dit à mon père, قلت لأبي, إني أكثر الوضوء, فنهاني عن ذلك وقال, يا بني, يقال إن للوضوء شيطانا, يقال له الولهان. فنهاني عن ذلك وقال, يا بني إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان وقال لي في ذلك غير مرة ينهاني عن كثرة صب الماء وقال لي أقلل من هذا الماء يا بني. Donc l'imam Abdullah, qui a le livre très connu As-Sunna li Abdillah ibn al-Imam Ahmad en deux volumes, et vous avez aussi la Sunna de l'imam Ahmad lui-même qui est en quelques feuilles, en deux pages ou la trois pages. Mahada, c'est un grand livre. C'est un grand livre sur le même style. Donc, Abdullah, il a dit, un jour, j'ai dit à mon père, « Oh mon père, j'utilise beaucoup d'eau dans ma purification. » Il lui a interdit cela. Et il a dit, « Oh mon fils, il y a un shaitan dans les ablutions qui s'appelle le walahan. » Et il lui a répété ça plusieurs fois, en lui interdisant le gaspillage de l'eau. Il lui a dit, utilise peu d'eau dans ta purification. Donc, comme on a vu, inna lilwudu shaitan yuqalu lahu alwalahan, fattaqu waswas alma. Ce hadith est faible du prophète, alayhi salatu wa salam, mais ça a été rapporté de certains salafs, notamment Al-Hassan al-Basri, il a nommé ce shaitan Al-Walahan. On n'a pas de preuve du prophète alayhi salam, mais ça fait partie de l'invisible. Et ce n'est pas une chose dans laquelle on peut accepter la parole d'un tabi'i. L'ana, il peut prendre ça des gens du livre. Et le seul shaitan qui est rapporté authentiquement, c'est Al-Khinzab, shaitan de Salat, qui te donne qui fait le waswasa dans Salat. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. De toute manière, que ce shaitan s'appelle Walahan ou autre chose, c'est un shaitan des ablutions, dont la fonction est de te pousser à gaspiller l'eau dans ta purification. C'est pour ça, c'est une chose de laquelle il faut s'éloigner. Et il faut prendre des bonnes habitudes. Et il faut apprendre à être économe dans l'usage de l'eau, dans notre purification d'une manière générale. Voilà mes frères pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et notre rencontre inshallah se renouvelle le samedi prochain à la même horaire en essayant de faire le reste de ce livre بإذن الله et comme je vous ai promis à la fin nous allons citer certaines règles tirées des livres des hommes de science qui seront bi'idnillah bénéfiques pour moi ainsi que pour mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.